nous devons nous revêtir de l'armure spirituelle de Dieu, car nous sommes en plein combat spirituel. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement de Charles Stanley. Nous vivons dans une société qui glorifie la guerre. Les films, les romans et les programmes de télévision présentent la guerre comme une aventure excitante. Par contre, quiconque a participé à un vrai combat sait que c'est une expérience terrifiante. Pour remporter la victoire, il est nécessaire d'être bien équipé et d'être bien entraîné. Dans l'émission d'aujourd'hui, Charles Stanley nous rappelle que chaque croyant prend part à un combat spirituel et que la préparation pour le combat est essentielle pour remporter la victoire. Le programme d'aujourd'hui nous aidera à nous préparer au combat pour lutter contre notre ennemi spirituel, Satan, en nous présentant les armes de Dieu. Dans quelques instants, Charles Stanley nous expliquera comment bien porter et utiliser notre armure afin que nous soyons prêts au combat. Chaque matin, lorsque nous nous réveillons, c'est pour livrer un combat spirituel. Nous faisons personnellement face à l'adversaire. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'une guerre spirituelle se déroule. Ils se demandent ensuite pourquoi ils sont toujours vaincus dans leur marche chrétienne. Lorsqu'ils pensent avoir obtenu la victoire dans un domaine, ils sont de nouveau défaits peu de temps après. C'est aussi la raison principale pour laquelle les gens qui débutent bien dans la vie chrétienne régressent après un certain temps. Ils sombrent dans le découragement. Car l'ennemi dont ils ne sont pas conscients l'emporte sur eux. Ils n'ont pas une idée claire de la nature du combat auquel ils participent et ils se demandent pourquoi ils sont si souvent découragés. Ils critiquent la Bible et ils se demandent où est-ce que Dieu se trouve. Ils sont confus parce que la Bible ne semble pas efficace pour transformer leur vie. Les Écritures affirment que nous sommes en train de livrer le combat de notre vie. Pas nécessairement de notre vie physique, mais de notre vie spirituelle. Si nous savons que nous sommes en guerre, nous savons aussi que nous devons nous préparer pour le combat. C'est pourquoi le titre de ce message s'intitule « La préparation pour le combat ». Je vous invite à ouvrir votre Bible à l'Épître aux Éphésiens chapitre 6. Lisons les versets 10 à 18. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable emploie des ruses ou des tactiques pour nous neutraliser. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Considérons ce qu'est une guerre. D'abord, nous savons habituellement qui est notre ennemi. Nous n'avons aucun doute au sujet de son identité. Dans le passage que nous venons de lire, Paul identifie les adversaires qui s'opposent à nous. Au verset 12, Paul dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Paul dit que Satan, ses anges déchus et une multitude de démons s'opposent quotidiennement à nous. Nous avons déjà dit dans une émission récente que le but de Satan est de nous amener à douter de la parole de Dieu. Il veut détourner notre attention de Dieu pour la porter sur des choses matérielles. Il veut anéantir notre témoignage et tous les moyens sont bons pour arriver à cette fin. Il veut nous disqualifier et nous empêcher de servir Dieu, et si possible, nous détruire. Un ennemi avec de tels objectifs en tête est très dangereux. Satan et son armée de démons s'opposent à nous. Ils cherchent à profiter de nos moments de faiblesse émotionnelle, physique et spirituelle. Ils sont là et guettent l'occasion de nous écraser et de nous détruire par n'importe quel moyen. Cependant, de nombreux chrétiens se lèvent le matin comme s'ils allaient à une fête, alors qu'en réalité, ils s'en vont au combat. Malheureusement, plusieurs chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils sont en guerre et ils ne sont pas prêts à faire face à l'ennemi. Ils ne savent pas qui est leur ennemi et ils ne connaissent pas ses ruses, ses tactiques et ses objectifs. Il leur est impossible d'être victorieux dans de telles conditions. Certains disent « J'ai entendu parler de cette guerre et des armes de Dieu, mais je crois en la paix. Je ne peux croire que la Bible parle d'une guerre spirituelle. » Examinons ce que Paul a dit au jeune Timothée, dont il était le mentor dans l'œuvre de Dieu. Timothée était le fils spirituel de Paul et un pasteur. Lisons 2 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. « Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est le Seigneur Jésus qui nous a enrôlés dans son armée. Parce qu'il savait que nous sommes en guerre, Paul a dit « Nous sommes les soldats du Seigneur Jésus-Christ ». Lisons 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses ». Paul nous explique que nous sommes les soldats du Seigneur Jésus-Christ et que nous avons des armes pour combattre. Ce ne sont pas les armes d'une armée régulière, ni des armes physiques. Ce sont des armes spirituelles. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Paul nous conseille fortement de revêtir l'armure de Dieu. En fait, tous les croyants devraient la porter. Notre combat est réel et nous avons tous subi suffisamment de défaites pour nous rendre compte que nous sommes vraiment en guerre. Puisque la guerre n'est pas un jeu ou le fruit de notre imagination, nous devons avoir de véritables armes et une véritable armure. Lorsque Paul nous encourage à nous revêtir de toutes les armes de Dieu, il est sérieux. Il nous dit réellement de nous vêtir avec l'armure de Dieu. Afin de nous réveiller chaque matin fin prêt pour le combat de notre vie chrétienne, nous devons faire deux choses. Premièrement, nous devons nous revêtir du bon uniforme pour affronter le type d'adversaire que nous avons. Deuxièmement, nous devons nous tenir dans la bonne position pour combattre efficacement. Avant de poursuivre, j'aimerais faire une remarque. Vous pouvez écouter ce message en vous disant « Je pense que tout cela est le fruit d'une imagination fertile ». Ce n'est pas le cas, mes amis. Paul n'a jamais écrit de récits imaginaires et le Saint-Esprit n'inspire pas des contes de fées. La Bible nous inculque un grand principe par la bouche de Paul et l'inspiration de l'Esprit. Nous devons spirituellement nous revêtir de l'armure spirituelle que Dieu nous a donnée, car Satan nous livre une guerre spirituelle. Si nous voulons être vêtus de façon appropriée pour monter au front, nous devons nous demander dans quelle sorte de combat nous sommes engagés. C'est une guerre spirituelle. De quelle sorte d'armes avons-nous besoin? D'armes spirituelles qui forment une armure spirituelle. Quand devons-nous nous revêtir de notre armure? En nous levant le matin. N'attendez pas d'être en route vers le travail ou d'être au travail. Revêtez-vous de votre armure le matin avant de vous lever. Mettez une pièce à la fois. Comment pouvons-nous nous revêtir d'une armure qui n'est pas faite de matière palpable? Comme nous obtenons toute autre bénédiction spirituelle, par la foi. Il n'y a pas d'autre moyen que la foi. Examinons maintenant ces armes et appliquons-nous-les. Notez bien l'importance de chaque pièce de l'armure. Paul n'a pas dit de se choisir quelques pièces d'armure, il a dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Éphésiens chapitre 6, verset 11. Paul dit qu'il faut se revêtir de toute l'armure. nous allons examiner les armes en respectant l'ordre dans lequel Paul les mentionne. La première mentionnée est la ceinture de la vérité. « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture », Éphésiens 6, verset 14. Qu'est donc cette ceinture? Paul utilise l'armure du soldat romain pour illustrer une vérité biblique. Le soldat romain portait une tunique faite de cuir qui recouvrait la région de l'abdomen. Parfois, la tunique était recouverte de lames métalliques pour le protéger. Une ceinture servait à tenir cette tunique ainsi que l'étui de son épée. Paul nous propose donc de mettre cette ceinture d'abord, « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». Il parle de la ceinture que portaient les soldats romains. Ensuite, toujours au verset 14, il dit « Revêtez la cuirasse de la justice ». Cette cuirasse était une veste de cuir. Elle était souvent recouverte de métal pour protéger le soldat des flèches et des coups d'épée. Il fallait frapper très fort avec une hache ou une épée pour transpercer cette cuirasse qui protégeait la poitrine. Le verset 15 nous parle de la chaussure du soldat romain. « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. » Les soldats romains portaient des sandales épaisses qu'ils attachaient à leurs chevilles avec des courroies. Souvent, les sandales avaient des crampons d'environ 8 cm. Avec de telles sandales aux pieds, les soldats pouvaient tenir ferme. Lorsqu'ils resserraient les rangs, ils formaient un mur solide avec leurs boucliers. Il était très difficile de faire perdre l'équilibre à un soldat romain. Lorsqu'ils combattaient, ils avaient un appui solide. De plus, si un soldat du camp adverse tombait, il pouvait l'achever en marchant sur lui. Les crampons pointus de 8 cm tuaient ou blessaient sérieusement l'adversaire. Chaque pièce de l'armure avait son utilité spécifique. Il y avait aussi le bouclier qui mentionnait au verset 16. « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Les soldats romains utilisaient deux types de boucliers. Il y avait un petit bouclier rond que nous voyons souvent dans les illustrations. Il y avait aussi un grand bouclier rectangulaire en bois. Le mot grec qui désigne ce bouclier est « tueros », un mot dont la racine est « tura », qui signifie « porte ». Ce bouclier était recouvert de cuir et parfois de métal. Ce grand bouclier pouvait couvrir tout le soldat. Ce dernier pouvait se tenir debout en se cachant derrière le bouclier. En formant des rangs serrés, des soldats équipés de ces boucliers devenaient un véritable mur. Lorsque la cavalerie de l'adversaire avançait équipée de lances ou d'autres armes, les soldats romains s'agenouillaient et penchaient leurs boucliers qui formaient toujours un mur. Les adversaires sautaient ce mur et les soldats romains se retournaient et combattaient leur adversaire qui leur tournait le dos. Chaque pièce de l'armure était conçue pour jouer un rôle important lors des combats. Rien n'était laissé au hasard. Paul dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Qu'importe ce que portait le soldat, il y avait des failles dans son armure et il avait besoin du bouclier pour le couvrir. » Paul dit donc au verset 16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Parfois, les archers trempaient leurs flèches dans du goudron et les enflammaient. Ces flèches enflammaient les vêtements des personnes qu'elles atteignaient et leur infligeaient des brûlures sérieuses. Si le bouclier d'un soldat n'était pas recouvert de métal, il le trempait dans l'eau. La flèche qui frappait le bouclier s'éteignait et ne blessait pas le soldat. Ensuite, Paul mentionne le casque du soldat. Prenez aussi le casque du salut, Éphésiens chapitre 6, verset 17. Ce casque était probablement la pièce d'équipement la plus précieuse. Parfois, le casque était orné. Il était mou à l'intérieur et deux rabats protégeaient les joues du soldat. Le casque protégeait bien la tête et pour casser ce casque, il fallait probablement administrer au soldat qu'il portait un coup de hache solide. Un soldat ne serait jamais allé au combat sans son casque. Finalement, nous lisons « Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu ». L'épée est la seule arme offensive mentionnée, mais elle joue aussi un rôle défensif. Les légionnaires romains utilisaient une épée courte. Notez ce qui est dit au verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Le mot grec traduit « lutte » est « pâle ». Pour remporter un combat de lutte, l'adversaire devait être maintenu étendu au sol en pesant sur la nuque. Nous parlons donc d'un combat au corps à corps. Toutes les pièces de l'armure et toutes les armes avaient un but défensif ou offensif. Paul savait que les lecteurs de la lettre comprendraient son illustration. Il a insisté et leur a dit de se revêtir de toutes les armes de Dieu, car ils luttaient quotidiennement contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous luttons contre des êtres invisibles et intelligents. Ce sont le diable et ses démons. Nous devons donc être bien équipés pour tenir ferme, lutter contre eux et remporter la victoire. Au verset 13, quand Paul nous conseille de prendre toutes les armes de Dieu qu'il compare aux armes du soldat romain, cela signifie exactement ce qu'il dicte actuellement. Au cours des siècles, de nombreuses personnes ont lu ce passage et ont déclaré « Cela décrit bien l'habillement d'un soldat romain. » Cependant, Paul ne nous a pas demandé de lire ce qui concerne les armes, ni d'y réfléchir. Il nous a demandé de nous revêtir de l'armure et d'utiliser les armes de Dieu. Comment et pourquoi devons-nous nous revêtir de notre armure? Réfléchissons un moment. Demain matin, en vous levant, vous vous direz que vous devez mettre votre armure. Comment allez-vous le faire? Permettez-moi de vous suggérer comment prier alors que vous prenez et que vous vous revêtez de ces armes. En priant, dites quelque chose qui ressemble à ceci. « Seigneur, je choisis de mettre le casque du salut afin de protéger mes pensées. Je veux que mes pensées soient tes pensées, Seigneur. Je veux penser à des choses qui te plaisent. Je veux penser à des choses qui correspondent à la personne que je suis en toi. Je ne veux pas qu'une pensée qui me conduirait à pécher contre toi mijote dans mon esprit. Je veux penser bibliquement en pensant à qui je suis en Jésus. Je veux que mon esprit soit saturé de pensées bibliques à ton sujet et au sujet des autres. Je ne veux pas être tenté. Je veux te remercier pour ta protection lorsque Satan essaiera de semer des mauvaises pensées dans mon esprit. » Rappelez-vous que votre esprit est toujours le champ de bataille. Ce n'est pas où vous posez le pied, ni ce que vous touchez. C'est dans votre esprit que tout se passe et que Satan cherche à mettre le pied dans la porte et à établir des forteresses. Si Satan peut nous inspirer des pensées fausses et nous amener à croire un de ses mensonges, alors il nous tient. Je dois donc mettre le casque du salut en premier. Deuxièmement, dites dans votre prière ceci. Seigneur, je te remercie de pouvoir mettre la cuirasse de la justice pour protéger mes émotions et mes sentiments. Seigneur, je veux ressentir seulement ce que tu ressens. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Poursuivez votre prière en disant, « Seigneur, ne me laisse pas réagir émotionnellement. Permets que je réagisse selon qui je suis en Jésus, ce que je sais être vrai, et selon ma relation avec toi. Seigneur, ne me laisse pas réagir selon mes émotions. Seigneur, je te remercie de me donner la cuirasse de ta justice pour me protéger au cours de la journée. Seigneur, je te remercie pour la ceinture de la vérité. Premièrement, je désire connaître la vérité. Deuxièmement, je veux vivre selon la vérité. Je veux marcher dans la vérité et la proclamer. Je ne peux pas mettre la ceinture de vérité si je n'étudie jamais la Bible, car c'est dans ce livre que Dieu nous révèle sa vérité. Dieu désire que nous méditions sa parole jour et nuit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le psaume 1, versets 1 et 2. Paul nous dit de remercier Dieu en nous levant le matin, de le remercier encore le soir en nous couchant. Seigneur, je veux mettre la ceinture de la vérité. Je veux connaître la vérité. Je ne veux pas être induit en erreur. Protège-moi des pièges de Satan. Révèle-moi la vérité. Je veux étudier la vérité et l'appliquer à ma vie. Lorsque j'entends des personnes parler, lorsque l'on me parle, je veux discerner la vérité. Je revêts la ceinture de la vérité. Seigneur, je te remercie pour les chaussures de la paix. Partout où j'irai aujourd'hui, Seigneur, partout où tu m'enverras, je veux être un ambassadeur de paix. Je désire annoncer l'Évangile de Jésus-Christ de telle sorte que je serai un instrument de paix entre tes mains, un instrument qui présentera le Seigneur Jésus, qui attirera les gens à toi et qui apportera la paix entre les frères et les sœurs. La Bible dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » L'Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 9. Dieu bénit les ambassadeurs de paix. Si nous portons le bon uniforme de combat, qu'importe le conflit, nous pourrons apporter la paix si nous sommes bien préparés. De plus, Paul mentionne dans Éphésiens 6, verset 16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Seigneur, je te remercie pour le bouclier de la foi. Je te remercie de pouvoir m'abriter derrière le bouclier de la foi et de me tenir sur le rocher qui est Jésus-Christ. Qu'importe le nombre de flèches enflammées que me lance Satan, qu'importe le nombre de fois qu'il me tente, qu'importe l'intensité de son attaque. La foi est un don de Dieu. C'est notre foi qui détermine si nous remportons la victoire ou si nous subissons une défaite. Je veux donc te remercier, Seigneur, parce que j'ai le bouclier de la foi et que je peux m'appuyer sur le fondement de qui je suis en Jésus. Je te loue pour tout cela. Poursuivons la lecture. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Nous devons prendre l'épée de l'Esprit qui est la Bible. Seigneur, merci pour ton épée qui est la Bible. Pour être reconnaissant au sujet de la parole de Dieu et pour la brandir pendant le combat, je dois l'étudier afin qu'elle imprègne ma vie. Paul dit « Prenez l'épée de l'Esprit ». Il faut se servir de la Bible comme d'une arme offensive. Comment fonctionne cette arme? Je dois la présenter aux gens qui ont besoin d'être sauvés. L'épée de l'Esprit pénètre profondément en nous pour nous convaincre de péché. L'épée de l'Esprit sonde les cœurs et leur révèle leur besoin d'avoir un sauveur personnel, le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, nous pouvons lire « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La Bible est une arme défensive aussi bien qu'une arme offensive. Seigneur, je te remercie pour la Bible qui me permet de parer les attaques et de contre-attaquer. Je vais réclamer tes promesses. Je vais me rappeler de ce que tu as dit. Seigneur, je te remercie pour cette armure dont je suis revêtu pour le combat. Je me suis revêtu de ton armure avant de mettre le pied en bas du lit. Je suis prêt pour accomplir tout ce que tu m'enverras accomplir. Chaque matin, nous devons nous préparer pour le combat spirituel. Nous ne pouvons prévoir ni le lieu ni l'heure d'une attaque. Nous ne pouvons pas prévoir le type d'attaque. Cependant, nous pouvons être prêts à toute éventualité. Charles Stanley nous a encouragés à nous préparer au combat chaque jour en nous revêtant d'abord de notre armure, en nous levant le matin. Revêtez-vous de votre armure par la foi et tenez ferme. L'apôtre Paul nous a rappelé que la prière est un élément important pour obtenir des victoires spirituelles. Dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 9, il a écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Charles Stanley nous a rappelé une vérité importante. La bataille se déroule dans notre esprit avec nos pensées. nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Sitôt qu'une mauvaise pensée surgit dans notre esprit, il faut la chasser. Une mauvaise pensée nous incite au péché. Elle nous porte à haïr quelqu'un, à envier une autre personne, à lui garder rancune, à mentir, à vouloir prendre plutôt que donner. Nous ne devons pas entretenir ce genre de pensées et les laisser mijoter dans notre esprit. Nous devons les remplacer en focalisant sur la personne de Jésus-Christ et sur son œuvre à la croix, en nous rappelant qui nous sommes en lui. Il faut nous concentrer sur des choses spirituelles. La victoire se remporte par la foi. Un bon moyen de nous revêtir de notre armure est de demeurer en relation intime et personnelle avec le Seigneur Jésus. En fait, notre armure, c'est lui. C'est lui qui nous a rachetés et revêtus de sa justice. C'est lui qui nous a sauvés et donné la foi. Sa personne et son œuvre à la croix sont les objets de notre foi. Sans le Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire. Il est notre armure. Notre première priorité, notre priorité absolue, n'est-elle pas de développer et de maintenir une relation personnelle avec lui? Charles Stanley a fait une remarque intéressante. L'armure ou les armes de Dieu ne sont pas des pièces de musée qui sont exposées pour que nous les regardions. Ce sont des armes remises par notre chef, le Seigneur Jésus, afin que nous les utilisions pour le combat spirituel que nous livrons quotidiennement. Nous ne devons pas avoir une connaissance intellectuelle de cette armure, mais une connaissance acquise par l'expérience au combat. Ce n'est pas dans les livres que nous apprendrons à vivre victorieusement, mais par une existence dédiée à la résistance au mal. Nous devons apprécier nos armes, non pour en avoir vu les images dans un catalogue, mais pour nous en être servis et avoir fait l'expérience de leur efficacité. Nous pouvons alors acquérir une confiance dans nos armes, ainsi que dans notre propre habileté. Les choses de la terre sont éphémères et temporaires. Nous travaillons fort pour obtenir des biens matériels que nous n'emporterons pas avec nous après la mort. Nous travaillons fort pour protéger et défendre nos acquis. Nous nous équipons le mieux possible pour le faire, mais combien plus important alors est-il de nous équiper adéquatement pour le combat éternel, celui qui a une portée éternelle? Lors de la prochaine émission, Charles Stanley nous livrera la suite de cette série de deux messages sur le thème de la préparation au combat. Ce que vous venez d'entendre vous intéresse? Vous voulez en savoir plus? Vous voulez voir comment des gens comme vous et moi ont vu leur vie transformée par Jésus-Christ tout en dégustant un délicieux déjeuner gratuit? Les Déjeuners de l'Espoir sont offerts à la grandeur du Québec. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou visitez notre site Internet au www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.